بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le cours numéro 22 dans l'explication de Sharh Usul al-Iman du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc c'est le Sharh du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah sur les fondements de la foi. Donc on explique aujourd'hui le hadith numéro 29. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité ce hadith, il dit وَعَنِ النَّوَّاسِ ibn Sam'an, et c'est toujours dans le chapitre, juste pour vous dire le titre, بَيَانِ افْتِرَى الْكَهَنَ وَكَذِبِهِمْ بَيَانِ افْتِرَى الْكَهَنَ وَكَذِبِهِمْ, c'est-à-dire l'explication des mensonges des voyants et des médiums, et ainsi que leurs mensonges et leur fabrication. Donc il dit an an-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha arada Allah an yuhya bil amri takallama bil wahy akhadhat as-samawat minhu rajfa aw qala rid'ah rid'atun shadida khawfan min Allah azza wa jalla fa idha sami'a dhalika ahlu as-samawat sa'iqu aw qala خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أو جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها يعني ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. Donc ici le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par al-Tabarani dans son tafsir ainsi que ابن خزيمة dans Kitab al-Tawhid et Ibn Abi Hatim également, comme c'est mentionné dans Tafsir Ibn Kathir. Selon An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah veut ordonner un ordre faire parvenir sa révélation, il veut mentionner cette révélation-là, eh bien, les cieux sont pris par une secousse, ou bien ils sont foudroyés, ils sont pris par un foudroiement fort, intense, sévère, par la crainte, à cause de la crainte qu'ils ont d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque les habitants des cieux entendent, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont foudroyés et ils tombent prosternés devant Allah. Et le premier qui se réveille ou qui se relève, qui relève sa tête, c'est Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là lui donne la révélation, et lui dit ce qu'il veut. Et ensuite il passe, Jibril alayhi salam, il passe parmi les habitants des cieux, parmi les anges. Et chaque fois qu'il arrive à un ciel parmi les cieux, les anges de ce ciel lui demandent: qu'a dit notre Seigneur au Jibril? Alors Jibril, il répond, il dit: il a dit la vérité, et il est le très haut, le très grand. Alors tous les anges répètent la même chose que ce que Jibril a dit, et donc jusqu'à ce que yani fayantahi Jibril, donc Jibril arrive avec la révélation à l'endroit où Allah lui a ordonné de s'en aller. Et ça c'est rapporté par, comme on l'a dit, Ibn Jarir, Ibn Khuzayma, At-Tabarani, Ibn Abi Hatim, dans ce qu'ils ont apporté de cette parole-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit: إِذَا أَرَادَ اللَّهِ وَهَذَا فِيهِ إِثْبَاتُ الْإِرَادَةِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc premièrement, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: lorsque Allah veut. Ça c'est l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. Ensuite il dit: قوله تكلم بالوحي وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. Donc il dit il parle par la révélation, Ça, c'est l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole. أخذت السماوات منه رجفة أو قال ردعة شديدة يعني السماوات وهي جماد ترتجف وتردع من خشية الله وتعالى من خشية الله تعالى وتعظيم كلامه جل وعلا. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle et qu'il mentionne donc sa parole de révélation, les cieux sont secoués par ça et foudroyés, alors que les cieux sont des choses, c'est quelque chose d'inerte, c'est pas vivant, mais malgré ça ils sont foudroyés par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez si c'est cette créature qui est une créature inerte qui n'a pas de vie, qui n'est pas vivante, et malgré ça elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez les créatures intelligentes et vivantes, comment eux ils devraient être vis-à-vis de la crainte d'Allah. Et le cheikh il dit wa qawluhu su'iqu yani asabahum al-ghashi min haybati Allah jalla wa ala kama fi qawlihi ta'ala wa kharra Musa sa'iqa wa hadha lamma tajalla Allah lil jabal واندك ذلك الجبل خر موسى على الأرض صعقا من شدة الهول والخوف من الله تعالى فلما أفاق من الصعق قال سبحانك وهذا وكذلك الملائكة إذا أزيل الفزع الذي أصاب قلوبهم أخذوا ينادون جبريل ويسألونه. Donc ici le cheikh il explique que les habitants des cieux ils sont foudroyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils perdent connaissance. Ils perdent connaissance par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un peu comme l'exemple de Moussa alayhi salam dans le verset 143 dans sourate Al-A'raf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est tombé, Moussa est tombé sans connaissance. Il est tombé sans connaissance lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la montagne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, regarde, tu ne pourras pas me voir, mais regarde la montagne. Si elle reste sur place, si elle reste debout, à ce moment-là, tu vas me voir. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la montagne, elle s'est pulvérisée, c'est-à-dire elle est devenue de la poussière. Alors à ce moment-là, Moussa alayhi salam est tombé sans connaissance, foudroyé par terre. Et lorsqu'il s'est relevé, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, gloire à toi, subhanak, que tu sois exalté et purifié. Et donc, la même chose aussi pour les anges. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne sa parole et qu'il tombe foudroyé, eh bien, lorsque l'effroi et la crainte s'enlèvent de leur cœur, à ce moment-là, ils se réveillent et il demande à Jibril, qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Il dit, وَقَوْلُهُ فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ أَمِينُ الْوَحِي يعني وَسَفِيرٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ رُسُلِهِ بِالْوَحِي وَهُوَ أَشْرَفُ الْمَلَائِكَةِ سَمَّاهُ اللَّهُ أَمِينًا فقال نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وهذا يدل على شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il explique que la première créature qui lève sa tête après que toutes les créatures aient été foudroyées, c'est Jibril. Et c'est lui celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a confié la transmission de la révélation. Donc c'est comme un genre d'ambassadeur entre Allah et ses messagers, et il leur amène la révélation, et c'est le plus noble de tous les anges que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Et il dit, il l'a appelé Amin, ça veut dire celui qui est honnête et fidèle. Et il dit par exemple dans le verset 93 à 95 en sourate Ash-Shu'ara, نزل به الروح الأمين، c'est-à-dire cette révélation, c'est l'esprit fiable et honnête qui est descendu avec, c'est-à-dire Djibril, sur ton cœur pour que tu sois de parmi les avertisseurs. Donc, le cheikh, il dit que Djibril, c'est lui qui est chargé de la révélation. Et ça, ça indique en même temps sa grâce et sa noblesse et son l'honneur, hein, l'honneur qu'il a. Le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ. Il dit, هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فيكلم جبريل عليه السلام بالوحي الذي يوحيه إلى أحد أنبيائه. وقوله ثم يمر جبريل على الملائكة. فكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. وهذا فيه الاهتمام. اهتمام الملائكة بكلام الله عز وجل. وفيه فضل جبريل كونه هو الذي يحمل الوحي اختص بذلك من بين الملائكة حتى إن الملائكة يعني يسألونه سؤال المتعلم للعالم. Donc il dit, ensuite Jibril, il passe par près des autres anges. Chaque fois qu'il arrive à un des cieux, parmi les différents cieux, les anges de ce ciel lui demandent, qu'est-ce que notre Seigneur a dit au Jibril? Alors, ça montre l'importance que les anges attribuent et accordent à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également le mérite de Jibril, du fait que c'est lui qui transmet la révélation et qui transporte la révélation, et que Allah a chargé particulièrement de ça parmi tous les anges, hein, à un point que même les anges, les autres anges, ils demandent à Jibril comme un élève qui demande à un savant. Donc, il est un savant parmi les anges. Et il dit, وَقَوْلُهُ فَيَقُولُ قَالَ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ بَعْدَمَا سَأَلَهُ الْمَلَائِكَةُ مَذَا قَالَ رَبُّنَا جِبْرَائِيلُ hein? مَذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ فَيُجِيبُهُمْ فَيَقُولُ قَالَ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مَا قَالَ جِبْرِيلُ. وَهَذَا فِيهِ إِثْبَاتُ صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن كلامه حق لا يعتريه الباطل كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قولهم فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أي قال قل أي قالوا كلهم قال الحق وهو العلي الكبير. هذا تفسير آية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق. Donc le cheikh il explique que les anges ils lui demandent qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que notre Seigneur a dit, et il répond, il a dit la vérité, et c'est le très grand et le très haut et le très grand. Donc ça c'est la réponse qu'il donne aux anges lorsque les anges lui demandent qu'est-ce que notre Seigneur a dit. Il y a donc dans ça l'affirmation de la parole, que Allah, il parle, et que sa parole, elle est vérité, et que sa parole n'est pas touchée ou affectée par la fausseté et le faux. Et il cite à ce sujet le verset 42 dans Surat Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que la fausseté ne l'approche pas ni par devant ni par derrière, et c'est une révélation d'un sage digne de louange. Et donc les autres anges, ils répètent qu'est-ce que Jibril a dit. C'est-à-dire, ils disent tous, il a dit la vérité et il est le très haut, le très grand. Et ça, c'est le tafsir du verset 23 dans Surat Saba, qu'on avait mentionné au dernier cours. Lorsque yani Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ce qui signifie, jusqu'à ce qu'il soit, yani jusqu'à ce qu'on ait retiré l'effroi de leur cœur, ils disent, qu'a dit notre Seigneur? Ils disent, il a dit la vérité. C'est-à-dire, notre Seigneur, Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit la vérité. قَوْلُهُ فَيَنْتَهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحِي إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ أي ينتهي به جبريل إلى ما أمره الله من تبليغ الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن جبريل هو الوسيط بالوحي بين الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله واليهود يعادون جبريل فقد قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الذي يأتيك غير جبريل لآمنا به لأن جبريل عدو لنا فأنزل الله قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فهذا القرآن ليس من كلام جبريل وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين هذه مقالة اليهود وهناك من الطوائف الضالة المنحرفة من يقول بقول اليهود ويقولون جبريل خان الرسالة لأنها لعلي بن أبي طالب ولكن جبريل صرفها لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولون خال الأمين قبحهم الله لأنهم هم أنفسهم منحدرون من اليهود فهذه مقالة اليهود تماما Donc le Cheikh il dit que Jibril عليه السلام il arrive avec la révélation et il l'amène là où Allah lui a ordonné de l'amener. Donc Jibril il transmet la révélation au messager. Parce que Jibril c'est l'intermédiaire entre Allah et ses messagers. Et c'est lui qui ramène la révélation d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 97 dans Surat Al-Baqarah, il dit ce qui signifie « dit au Muhammad ». Celui qui est l'ennemi de Jibril, alors certes, sache qu'il a fait descendre cette révélation-là sur ton cœur. Il a fait descendre Jibril sur ton cœur par la permission d'Allah. Et les Juifs, eux, ont dit qu'ils n'aimaient pas Jibril. Ils ont dit qu'ils n'aimaient pas Jibril parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fait savoir que c'est Jibril qui lui amenait la révélation. Alors les Juifs, par leur arrogance et par leur orgueil, parce qu'ils refusent d'accepter la vérité, qu'est-ce qu'ils ont répondu au messager d'Allah? Ils ont répondu, si c'était un autre que Jibril, on aurait cru en toi. C'est-à-dire que si c'était un autre ange, que Jibril qui t'avait ramené la révélation, on aurait cru en toi. Mais puisque c'est Jibril, nous on n'accepte pas, parce qu'on n'aime pas Jibril. Allahul Musta'an. Et alors qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé, et c'est Jibril qui transmet la révélation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet-là le verset, dit, celui qui est l'ennemi de Jibril, alors, sachez que c'est lui qui l'a fait descendre sur ton cœur par la permission d'Allah. Donc, c'est-à-dire, il a fait descendre le Coran. Et ce Coran, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas la parole de Jibril. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 98, dans Surat Al-Baqarah, celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril ou de Michael, alors sachez que certes, Allah est l'ennemi des mécréants. Allah, c'est l'ennemi des mécréants. Et donc, cette parole des Juifs, il y a des groupes parmi les groupes d'égarements qui ont dévié de la voie de l'islam, qui disent la même parole que les Juifs à propos de Jibril, alayhi salam. Et ils disent, comme les Rafidah, Shia Rafidah, ils disent que Jibril, alayhi salam, il a trahi le message d'Allah et la révélation. Parce qu'il a donné la révélation à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de la donner à Ali ibn Abi Talib. Donc c'est comme pour dire que, en réalité, il accuse Jibril d'avoir trahi sa mission et d'avoir amené la révélation à la mauvaise personne, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de l'avoir amené à Jibril. Celui qui dit ça, il a dit la même parole, ou une parole qui est très semblable à celle des Juifs. Allahu a'lam. Mais n'empêche qu'ils ont essayé probablement de trouver une raison pour expliquer leur égarement puis ils ont ramené une explication qui est plus grave que hein, leur égarement lui-même. C'est-à-dire, comment tu peux accuser les anges d'Allah d'avoir fait des erreurs alors que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala leur confie cette tâche-là. Et en plus, Allah, il dit à propos de Jibril qu'il est Al-Amin. Et toi, après, tu dis non, il a trahi. Donc, tu contredis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est clair que c'est du kufr. Que quelqu'un, il dise une parole de ce genre. Yani Allah al-Musta'an. Ensuite, le cheikh, ça c'est ce qui conclut ce chapitre. Et le chapitre suivant, Babu qawlillahi ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama, was samawatu matwiyatum biyaminihi, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Donc le cheikh, il dit, maintenant, il parle du chapitre, du verset, hein, il cite le verset 67 dans Sourate Az-Zumar. Et donc, on va lire l'explication de ce verset-là, la traduction de la signification de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie « Et ils n'ont pas estimé Allah comme ils devraient, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. » C'est-à-dire qu'il va faire une qabda. Qabda. Qabda, ça veut dire quoi? Hein? Qabda, c'est lorsque tu attrapes quelque chose. Hein? Une poignée. Tu fais une poignée avec. Donc il dit, « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ » C'est-à-dire, de la terre entière, il va en faire une poignée qu'il va prendre dans sa main. « وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ » Hein? Min tawa yatwi, qui veut dire plier. Donc il va plier les cieux dans sa main droite. Hein? Ainsi que la terre, il va en faire une poignée. Il dit subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié. Il est au-dessus de ce qu'il lui donne comme associé et au-dessus du shirk qu'ils font avec lui. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce chapitre. Et il dit, « وَهَذَا الْبَابِ جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » تفسير هذه الآية جاء في السنة كما في صحيح مسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ويكرر هذا فلا يجيبه أحد كما جاء في حديث آخر فيجيب سبحانه وتعالى نفسه فيجيب سبحانه وتعالى نفسه يقول لله الواحد القهار ولا أحد يعترض على هذا كل مقر بأن الملك لله سبحانه وتعالى فهذا هذا من توحيد الربوبية وهو يعني وهو مقرة به جميع الأمم وأن الملك أو أن الملك اليوم لله ولكنهم في حياتهم الدنيا كانوا يعبدون معه غيره ويزعمون أن هؤلاء شفعاء ووسطاء عند الله سبحانه وتعالى وإلا فهم يعرفون أن هذه المعبودات ليس لها من الملك شيء وإنما الملك لله عز وجل. Donc le cheikh il explique que ce chapitre c'est l'explication donc du verset et dans la sunna il y a un hadith qui clarifie ce verset là aussi et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Ibn Omar. Il dit hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala va plier les cieux au jour de la résurrection et il va les mettre dans sa main droite. Et à ce moment-là, il va dire, je suis le roi. Où sont les tyrans aujourd'hui? Je suis le roi. Où sont les tyrans aujourd'hui? Où sont les orgueilleux, ceux qui s'enflaient d'orgueil? Et il va répéter cette question. Et il n'y a personne, bien entendu, qui ne pourra répondre ce jour-là. Excepté que dans une autre narration, il y a la mention que Allah subhanahu wa ta'ala va répondre lui-même à sa propre question. Il va dire Lillahi al-wahidul qahhar. Lillahi al-wahidul qahhar. C'est à Allah l'unique et le contraignant que tout appartient. Donc, personne ne peut s'objecter à cela. Et donc, tout le monde affirme et confirme que le royaume appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet aspect fait partie de la rububiyya, hein, que toutes les nations ont affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, c'est lui le roi et qu'il n'y a pas d'autre roi que lui. Mais dans leur vie de la dunya, lorsqu'ils étaient dans ce bas monde, ils adoraient d'autres avec lui. Et ils prétendaient que ces créatures étaient des intermédiaires et des intercesseurs auprès d'Allah pour eux. Excepté qu'ils savent très bien que, en réalité, ces divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah n'ont rien et ne détiennent rien du royaume d'Allah. Parce que le royaume appartient uniquement à Allah seul. Ensuite, le cheikh il dit, « Qabdullah ta'ala al-arda wa tawiyy as-sama'i bi yaminihi. » Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va faire une poignée de la terre avec sa main et qu'il va plier les cieux dans sa main droite. Et il cite d'autres narrations à ce sujet-là, comme celle qui est rapportée par Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit, يعني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري. Donc البخاري il rapporte que Abu Huraira رضي الله عنه il a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va faire une poignée de la terre et qu'il va plier les cieux dans sa main droite et il va dire « Je suis le roi, où sont les rois de la terre ?» Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant « هذا تفسير تفسير آخر للآية فيه أن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه بيده سبحانه وتعالى وهذا دليل على عظمة الله جل وعلا وأن هذه المخلوقات حقيرة يعني قياسا لعظمة الله عز وجل ولهذا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه حيث إنهم كذبوا رسله وأشركوا بالله عز وجل وعبدوا غيره وأنكروا كلامه وأنكروا أسماءه وصفاته وتجرأوا على حرماته وتركوا طاعته كل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره وهم الكفار والمشركون والعصاة والفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفاته وحرفوا فجميعهم داخلون في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه وكذلك كل من خالف أمر الله وعصاه وارتكب ما نهاه عنه يعني ترك ما أوجب أو ما أوجبه عليه فإنه لم يقدر الله حق قدره وقد بين سبحانه عظمته وأن من عظمته أنه يطوي هذه المخلوقات يوم القيامة ويقبضها بيديه يعني على الرغم من اتساعها وضخامتها وهي سبع سماوات وسبع أراضين مضافا إليهما ما في الأرض من المخلوقات والجبال والبحار والأشجار كلها يقبضها الله عز وجل بيده أو بيديه وعلى أصابعه جل وعلا كما جاء fil al-ahadith. Le cheikh, il explique que ça aussi, c'est une autre explication du verset dans sourate Az-Zumar. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il va faire une poignée de la terre et qu'il va plier les cieux dans sa main. Et donc ça, c'est la preuve de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il n'y a pas un verset qui est plus clair et plus fort justement pour réfuter les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout le fait qu'Allah est au-dessus de sa création, hein, et qu'il est au-dessus de son trône. Puisque ici, il mentionne justement que, comme Abdullah ibn Abbas l'a expliqué, c'est comme si tu prends un grain de sel, tu prends ce grain de sel, tu le mets dans ta main. Tu peux comparer ce grain de sel par rapport à toi. Il est minuscule. Hein? Le grain de sel, il est minuscule, ou bien un grain de sable. Il est minuscule par rapport à toi. Hein? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, toute la création, l'univers entier, tout entier, hein, est plus petit que ce grain de sel par rapport à toi. Hein? L'univers tout entier est plus petit par rapport à Allah que le grain de sel que tu mets dans ta main par rapport à toi. Donc, beaucoup de kuffars et des mushrikines et des gens de bid'a, ils sous-estiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'estiment pas Allah comme il mérite d'être estimé. Ils ne respectent pas Allah comme il mérite d'être respecté. Non seulement parce que il nie ses noms et ses attributs, mais parce qu'ils ne réalisent pas la grandeur d'Allah. Ils ne réalisent pas à quel point Allah est immense et grand et tout-puissant. Hein? Et surtout les chrétiens, subhanallah, quand ils imaginent Allah ou quand ils dessinent Allah comme un être humain, ou bien quand ils imaginent Jésus, ils disent Jésus c'est Dieu ou fils de Dieu, ils dénigrent Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ici le cheikh il a mentionné cet exemple pour vous faire comprendre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné par rapport à ce verset, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que sa création, et que la création, elle est infiniment petite par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il sous-estime Allah, il ne respecte pas Allah comme il le mérite. Il dit, parmi les exemples du manque de respect qu'ils ont envers Allah et du fait qu'ils ont sous-estimé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'ils démentent ses messagers, ils renient ses messagers, et qu'ils font le shirk avec lui dans le fait d'adorer d'autres que lui, ou de renier sa parole, ou de nier ses noms et ses attributs, ou d'oser transgresser ses interdictions, ou dans le fait d'abandonner son obéissance. Tous ceux qui sont dans cet exemple-là, ou dans ces catégories-là, font partie de ceux qui rentrent dans la signification de ce verset, ceux qui n'ont pas respecté Allah comme il le mérite, et qui n'ont pas estimé Allah comme il mérite. Hein? Et ce sont les kuffars, les mushrikines, les pécheurs, et les gens qui appartiennent à des différentes sectes d'égarement, en particulier celles des Jahmiyyah, des Mu'tazila et des Asha'ira, parce que ces sectes-là en particulier, elles ont nié les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien ils déforment la signification de ces attributs. Et donc, ils rentrent tous dans la signification du verset de ceux qui n'ont pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé, ou respecté Allah comme il mérite d'être respecté. Et donc, tous ces gens-là ont contredit l'ordre d'Allah et ont désobéi et ont commis les péchés que Allah leur avait interdit de commettre, et ils ont désobéi et abandonné ce que Allah leur avait obligé de faire. Et donc, par conséquent, ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié sa grandeur. Et il a fait savoir à quel point il est grand, au point de plier dans sa main les cieux au jour de la résurrection, et de faire de la terre entière, alors qu'on sait que c'est les cieux et la terre sont immenses. Hein, les kuffars, quand ils parlent, les physiciens, les astrophysiciens et tout ça, il parle des différentes galaxies, et il parle des différents univers, et ils disent, on ne sait même pas où est-ce que ça finit, tellement c'est grand, tellement c'est immense, on ne sait même pas où est-ce que ça s'arrête. Et ça, c'est seulement le premier des sept cieux. Au-dessus de ces sept cieux-là, il y en a sept autres. Et il y en a cinq, il y en a six autres encore. Et sans parler du trône, qui est la plus immense de toutes les créatures, hein? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il les prend dans sa main droite et il les plie dans sa main. Hein? Subhanallah. Et donc, ça, ça nous fait comprendre en réalité la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est juste une image pour, pour qu'on puisse essayer de comprendre la grandeur d'Allah. Et encore là, c'est trop pour nous. Parce qu'on ne peut même pas l'imaginer. Puisqu'on n'est même pas capable d'imaginer la grandeur de cet univers, la grandeur de ce ciel, hein, de cette création, on n'est pas capable de l'imaginer. Alors comment on peut être capable d'imaginer la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala? C'est pas possible, hein? Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré la grandeur de toute cette création qui est autour de nous, même la terre, hein, tu dis, tu vois où sont les nuages, est-ce que tu es capable de sauter jusqu'en haut, hein? Même si tu vas aller dans la montagne la plus haute sur Terre, hein, et encore là, tu es loin de l'espace. Hein? Donc, tout ça, c'est pour dire, Yanni. Et quand tu penses à la quantité d'eau, hein, qu'il y a sur Terre, prends un pot ou une chaudière, essaie de la soulever, tu vois à quel point l'eau est lourde. Hein? Alors que c'est une substance qui est très... malléable, souple, légère, hein, en apparence. Elle est transparente en plus. Mais quand tu la mets dans un pot pour essayer de la soulever, tu réalises comment ça pèse, hein, l'eau. Subhanallah. Et je le sais parce que chaque fois, j'achète de l'eau. Hein. les bouteilles de 4 litres, quand on transporte 2, déjà c'est l'eau. Quand on transporte 4... 4 litres, c'est 4 kilos. Oui, parce que je pense que... oui, c'est ça. C'est égal, hein? 1 litre avec un... Donc, pour dire, subhanallah, à quel point l'eau, elle pèse. Imaginez toute l'eau que la Terre contient. Les océans. Combien ça doit peser, ça? Hein? Et Allah, subhanahu wa ta'ala... Hein, il prend la terre avec tout ce qu'il y a dessus, avec les océans, les montagnes, hein, et tout ce qu'il y a dessus comme arbres, et comme plantes, et comme animaux, et comme êtres humains. Et il la met dans sa main, il la ferme dans sa main, il fait une poignée avec. C'est rien, hein? Non, la main d'Allah, c'est la main d'Allah. La main d'Allah, c'est la main du Créateur. On ne peut pas la comparer ou l'imaginer on ne peut pas la comparer à la main des créatures. Parce que Allah, comme il le mentionne lui-même, laisse la kemith li hishay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Alors que dans la Bible, ils disent qu'il a créé l'homme à son image. Non, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khalaqa Adam ala suratihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique qu'il a créé Adam à son image. Donc oui, mais ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est comparable ou ressemblant à sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Hein? Et Adam, c'est un être humain, il est limité. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit et Adam, il voit. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend, Adam, il entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une volonté, Adam, il a une volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, Adam, il parle. Hein? Mais son ouïe n'est pas comme la sienne. Sa vue n'est pas comme la sienne. Sa parole n'est pas comme la sienne. Hein? Sa volonté n'est pas comme la sienne. Allah subhanahu wa ta'ala, il vit. Et Adam, il vit. Ou al-hay. Allah, c'est al-hay. Et l'être humain, il est vivant aussi. Il est hay. Mais est-ce que la vie, c'est comparable à sa vie? Non. Parce que la vie d'Allah, elle est parfaite. Elle n'est pas précédée de néant. Elle n'est pas précédée de non-existence. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé. Il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est lui le premier. Il n'y a personne avant lui. C'est lui le dernier, il n'y a personne après lui. Est-ce que tu peux comparer ça avec la vie de l'être humain? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la perfection. Hein? Il n'y a rien qui lui ressemble. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il va prendre toutes ces créatures-là et il va en faire, comme il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, une poignée dans sa main au jour de la résurrection. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Il y a d'autres hadiths encore pour expliquer ce verset. Hein? On a expliqué jusqu'à date deux hadiths pour expliquer le verset. Et il y a encore le hadith 31, 32, 33. Pour expliquer la suite de ce verset-là dans Sourate Az-Zumar. Donc ça, on va le laisser pour la semaine prochaine. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que même si la mosquée va être fermée, mais on va quand même faire les cours par la radio. Hein? Donc le programme de la radio, il va continuer, Inch'Allah, même pendant la fermeture de la mosquée, Inch'Allah. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته